La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On parle de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude. Bonjour, bonjour tout le monde. Claude, tu veux parler de sécurité nautique? Oui, ce qui est important, c'est qu'en ce début d'année, c'est toujours là qu'on va avoir des noyades, puis les noyades vont être attribuées à une chose, l'hypothermie. Okay. Donc, les gens qui tombent à l'eau, à ce temps-ci, l'eau est vraiment très froide, puis dans très, très peu de temps, on va subir les effets de l'eau froide et on va avoir ce qu'on appelle on va perdre la chaleur. Donc, tout ce qui est vêtements va devoir être enlevé. Je l'ai mentionné déjà. Vous devriez avoir un sac, on appelle ça des sacs au sec, dans lequel vous allez vous garder au moins des sous-vêtements de rechange. Bas, camisole, chemise, une paire de pantalons si possible, pour être capable d'enlever vos vêtements si jamais vous tombez à l'eau. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui me connaissent savent que je suis un gars assez corpulent. Et quand tu viens pour embarquer dans une embarcation et charger une embarcation, tu ne vas pas mettre la personne la plus pesante en la pointe du bateau. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, des fois, avec les beaux-frères, le beau-frère est petit, puis là, l'autre beau-frère est très gros, puis il va assez le beau-frère qui est le plus gros dans la pointe du bateau en disant « tu vas être moins embarrassant », mais finalement, quand tu l'embarques dans la pointe du bateau, c'est la place où c'est le plus versant. Donc, les personnes qui sont en surpoids ou en poids plus important devraient s'asseoir sur le banc du milieu. Et les gens ont trop tendance aussi à mettre dans leur bateau des chaises ou encore des genres de bancs d'appoint, des bancs qui vont être plus hauts, donc qui vont rendre le centre de gravité de l'embarcation beaucoup trop haut et très très facile à verser. L'autre chose aussi, c'est l'excédent de bagages. C'est que chacun des beaux-frères qui va à pêche, tout le monde amène son coffre de pêche, sa glacière, ouais, ses cochonneries, ses bebelles. Et là, les embarcations deviennent trop chargées et mal chargées. Donc, assurez-vous, quand vous faites de la pêche, de bien savoir quel bagage vous allez mettre, à quel endroit vous allez le mettre, et répartir le poids dans l'embarcation. Et ça, c'est important. Parce que ainsi de l'année, on ne dira jamais assez, une ceinture de sauvetage, on l'attache pour la porte. Je vous dirais pas de faire la même affaire en été, même si on devrait le faire. Je vous dis que c'est ainsi, à cause de la température, c'est vraiment dangereux d'avoir une crise d'hypothermie si jamais vous tombez à l'eau. Donc, portez votre ceinture de sauvetage. Au moins, on sera capable de vous ramener au bord, même si vous avez les lèvres bleues et vous tremblez. On fera un feu, on va vous déshabiller. Donc, les gens disent, c'est quoi les principes de base? On sort la personne de l'eau, on la déshabille le plus vite possible, on lui trouve ce qu'on est capable de trouver comme vêtements. On sépare même nos vêtements à nous pour l'aider à avoir un peu plus de chaleur. Et on se traîne une couverture en aluminium. C'est des petites couvertures qu'on va retrouver dans tous les magasins de chasse et pêche. C'est une petite couverture d'aluminium qui est l'équivalent d'une grosseur d'un paquet de Kleenex. Donc, on devrait en acheter une. Et on lui met ça sur le dos, ça va automatiquement couper le froid et ça va permettre à cette personne-là de la réchauffer. Okay. Une autre chose bien importante, ne pas lui donner de boisson. Okay. On a tendance à vouloir donner du café chaud puis de la boisson alcoolisée. C'est pas bon, le métabolisme est au ralenti et on ne fait qu'aggraver la situation si on fait ça. Donc, on lui donne un peu d'eau, on le garde, on essaie de le garder plus à la chaleur. À la limite, même, on se colle sur lui, on va essayer de l'entourer pour lui donner le plus de chaleur possible. Et si on a un sac au sec et on avait un peu de vêtements, ben il va pouvoir se mettre des bas, des nouveaux bas, et se faire un genre de petit feu pour essayer de se récupérer le plus possible. Mais ça, c'est important. À ce temps-ci de l'année, je pense que c'est pas donner des trucs de pêche, c'est donner ces conseils-là pour que les gens soient en mesure de bien profiter et de pas avoir d'accident de pêche. Ça, c'est vraiment important. Puis tu vas voir, la fin de semaine qui arrive, là. Ouais. En fin de semaine, tu vas voir, malheureusement, il va en avoir. Ben, c'est un long congé, hein? C'est un long congé, les gens partent pour la pêche. Pour une grande majorité, on sait très bien, là, d'ici, dans notre coin à Québec, plein de secteurs sont fermés. Réserve faunique de Laurentide, secteur montagnier, ça a été annulé parce qu'on avait des réservations pour en fin de semaine. Ça a été complètement annulé. On n'est pas capable de se rendre. Les lacs ne sont pas tout à fait dégelés et les chemins sont non praticables. Ouais, effectivement. Claude, on s'en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, voilà, mon ami. Voilà, c'est la chronique de pêche de Claude Roy.